franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant en emporte l'histoire, consacrée ce soir à Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet. Une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka et à la technique Julien Michel. Mis à part quelques lycées ou collèges portant son nom, Condorcet est aujourd'hui un peu oublié. Philosophe et mathématicien, ami de Voltaire et de D'Alembert, cet homme des Lumières s'est engagé avec passion dans la politique en 1789. Condorcet est un des rares à se battre pour les droits des femmes, pour les Noirs, des protestants, les Juifs, pour l'éducation et contre la peine de mort. Mais 4 ans plus tard, cet homme qui croit fermement dans la force de la raison va être emporté, comme tant d'autres, dans la folie de la terreur. Le 8 juillet 1793, le citoyen Condorcet est décrété d'arrestation, ce qui, en ces temps troublés, signifie presque automatiquement la guillotine. Il réussit de justesse à échapper à la police. Pendant 9 mois, il va vivre caché, en plein Paris, dans la demeure de Madame Vernet, une femme d'une humanité et d'un courage qui évoque ceux des justes pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré le découragement, malgré la peur, et alors que dehors la guillotine exécute sans relâche, c'est dans cet asile que Condorcet va rédiger pour la postérité un de ses plus beaux textes, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. C'est l'histoire de ces 9 mois de traque que je vais vous raconter ce soir. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Marcel Dorigny, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien, spécialiste du XVIIIe siècle, de la Révolution française et surtout de l'histoire de l'esclavage. Condorcet, qui s'est battu, entre autres, pour l'abolition de l'esclavage, doit faire partie, je suppose, de votre panthéon personnel. Oui, bien sûr. Je l'ai étudié depuis fort longtemps. J'ai même été organisateur de l'exposition à l'Hôtel de la Monnaie pour le bicentenaire de sa mort. Et nous avons insisté sur la question de l'esclavage. Il était membre fondateur de la Société des Amis des Noirs, c'est-à-dire le premier mouvement anti-esclavagiste organisé en France. Il en était le rédacteur des statuts qui sont aujourd'hui conservés, le manuscrit est à la bibliothèque de l'Institut de France et on peut le voir, on peut le lire avec les ratures de Condorcet. Alors, l'action de la fiction qu'on va écouter dans quelques minutes débute donc en juillet 1793, au moment où Condorcet va être arrêté, décrété d'arrestation, comme on disait. Qui est-il à ce moment-là, Condorcet, et où en est la Révolution? Rappelez-nous, Marcel Dorigny, on en est à ce moment-là. Oui, Condorcet, dans la Révolution, reste avant tout un philosophe, un savant. Et on lui reprochera d'être un peu ailleurs, d'être un peu égaré dans la sphère politique. Mais c'est extrêmement important de le rappeler parce que il est un des rares savants, membre de l'Académie des sciences, de l'Académie française, reconnu correspondant de toute l'Europe académique. Il est entré en politique. Il s'est fait journaliste, il a écrit dans de très nombreux journaux pour défendre des idées politiques, pour des idées, des projets de société dans la presse de l'époque. Je crois qu'on n'a pas vu ça ensuite pendant très, très, très longtemps. Alors, donc, il est complètement engagé. Il n'a jamais été membre d'un parti, entre guillemets, mais il a été rangé parmi les Girondins. C'était à tort ou à raison. Moi, je pense, il en était très proche. Mais c'est cette affiliation réelle ou imaginaire à Gironde qui va le perdre. Gironde qui, à ce moment-là, est un petit peu l'aile droite, si on veut dire. Si on veut un schéma un petit peu artificiel, enfin, en gros, c'est cela. Les Girondins ont été décrétés d'arrestation le 2 juin 1993, sous la menace des canons. La convention est encerclée par des canons et on a voté la mise en arrestation de 22 députés girondins. Parce que la majorité à ce moment-là est montagnarde. Elle est renversée ce jour-là, la majorité. Elle bascule ce jour-là, c'est-à-dire que la plaine, hésitante comme toujours, a basculé du côté de la montagne sous la pression de l'insurrection. Une insurrection armée, rappelons-le. Le général Santerre, chef des sans-culottes, si on veut, entoure la convention de canons et dit « canonniers, à vos pièces ». Et c'est dans ce contexte-là qu'on vote l'arrestation des 22 députés girondins. Et quelques jours après, Condorcet a signé avec d'autres, avec 75 autres députés, une protestation contre l'arrestation des 22. Et c'est cette signature qui va lui valoir l'arrestation. Il est considéré comme solidaire des traîtres. Et où en est la révolution? Donc on le sait, 6 mois plus tôt, Louis XVI a été guillotiné. La majorité est désormais montagnarde, vous venez de le dire, Elle le devient, Robespierre et Saint-Just. Et quel est le climat à l'époque? Il faut rappeler, c'est la guerre. Le mot essentiel, c'est la guerre. C'est la guerre a commencé en avril 92, mais en avril 92, c'est une guerre continentale qui concerne la Prusse, l'Autriche, la France. Bon, à partir du printemps, du début du printemps 93, c'est ce qu'on appelle la première coalition. L'Angleterre rentre en guerre, l'Espagne, la Hollande, enfin toute l'Europe est en guerre contre la France républicaine et révolutionnaire. C'est dans ce contexte-là. Alors, l'arrestation des Girondins le 22 va déclencher la guerre civile. 60 départements sur 90 sont en insurrection armée contre Paris. Donc il y a guerre civile et guerre étrangère. Plus la Vendée. Plus la Vendée, qui est une insurrection, elle, royaliste, qui ne fusionnera jamais avec l'insurrection dite fédéraliste des Girondins. C'est dans ce contexte-là que Condorcet est arrêté, est mis en arrestation, pardon, en état d'arrestation légale. Je vous propose d'écouter justement maintenant la fiction, proprement dite. Marcel Dorigny, nous poursuivrons cette discussion juste après. Tout de suite, Condorcet traqué, un texte spécialement écrit pour Autant en emporte l'histoire par Jean-Paul Desprats et Jean Ruhlmann. Réalisation Christophe Hocquet. Sophie, ouvrez. C'est Georges. Georges Cabanis. Georges, si tôt? Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état? Hélas, ma chère Sophie. Il est arrivé malheur. Oui. Nicolas a été décrété d'arrestation. Hier soir. C'est ce chabot, ce loup cervier, ce... C'est impossible. Il a été dénoncé à la tribune de la Convention. Comme conspirateur et ennemi de la République. Mais enfin, que peut-on reprocher à mon époux? Il aurait fait cause commune avec les amis de Brissot, proscrits le mois dernier. Ils ne sont plus à une infamie près. Oh, mon Nicolas, il sera sans doute resté chez nous, à Paris. Vous savez quelque chose? Il a pu fuir, ce matin à l'aube. Ceux venus l'arrêter rue de Lille ont trouvé son logement vide. Il faut s'attendre à les voir venir ici, à Auteuil. Mais où se trouve-t-il alors? Rassurez-vous, chère Sophie, je pense savoir où il a trouvé refuge. Chez une citoyenne au cœur admirable. À Paris? En plein cœur de Paris, à l'ombre de l'église Saint-Sulpice, rue des Fossoyeurs, dans une petite maison donnant sur un jardin. Madame Vernet subsiste en louant des chambres des étudiants. Son mari décédé était le cousin des fameux Vernet, les peintres. Je m'y rends de ce pas. Merci, Georges. Quand ces hommes seront là, gardez le silence. Vous ne l'avez pas vu depuis plusieurs jours. Vous ignorez absolument où il se trouve, et à plus forte raison, qui l'héberge. Il en va de la sûreté de tous. En ce 8 juillet 1793, Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, est rattrapé comme tant d'autres par l'effroyable engrenage d'une terreur en marche. Nous sommes au moment où Robespierre, l'incorruptible, domine le comité de salut public, avec Couthon, dit l'infirme, et Saint-Just, dit l'archange. À l'initiative de ces montagnards, la Convention dote la République d'un tribunal révolutionnaire doublé d'un arsenal législatif dirigé contre les ennemis de la Révolution. Sous ce terme sont visés pêle-mêle les émigrés, qui appuient la coalition européenne massée à l'est de la France, les insurgés vendéens, les prêtres réfractaires et les aristocrates. Mais Robespierre cible également ses propres adversaires politiques, parmi lesquels les républicains fédéralistes qui tiennent les grandes villes de province et refusent un jacobinisme centralisateur et autoritaire. On les appelle girondins ou encore brissotins, du nom de leur champion, Brissot, arrêté en pleine convention avec une vingtaine de ses collègues députés quelques semaines plus tôt et qui seront jugés à l'automne. Ah, Nicolas, que c'est bon de te voir là, sain et sauf. Quelle peur j'ai eue. Ne t'inquiète donc pas tant. Une bonne fée veille sur moi. C'est-tu la seule question qu'elle m'a posée hier à mon arrivée? Monsieur, êtes-vous vertueux? Comme je baissais la tête ne sachant que répondre, Madame Vernet m'a simplement dit « Entrez » d'une voix si douce et rassurante. Et c'est une femme d'autant plus admirable qu'elle ne te réserve pas l'exclusivité de son aide providentielle. Sais-tu au moins qui sont tes compagnons d'asile? Ils sont si nombreux, les hommes, les femmes, à passer pour suspects à présent. Non, je ne les ai pas encore vus. Qui sont-ils? Ce sont deux autres scientifiques, soupçonnés comme toi d'amitié avec les Brissotins. Il y a ton collègue député, le géomètre Jean-Baptiste Sarret, et puis Marcos, un ancien professeur de mathématiques. Cette situation est proprement insensée. La Révolution dévore ses propres enfants, et ce faisant, ses meilleurs talents. Condorcet voit juste. La Révolution est en train de dévorer ses propres enfants. Ainsi, lui, l'homme des Lumières par excellence et l'un des savants les plus réputés d'Europe, le voilà accusé d'actes criminels contre la liberté et la sûreté du peuple français. Ce mathématicien précoce avait jeté les bases du calcul intégral, ce qui lui valut d'entrer à l'Académie des sciences. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, Condorcet s'était battu pour les idéaux de liberté et d'humanité, la défense des Noirs, l'égalité des sexes, pourfendant tous les dogmatismes, notamment religieux. Ce descendant d'une vieille noblesse dauphinoise s'est jeté à corps perdu dans la Révolution. Il intègre la Garde nationale, la Commune de Paris, avant de se faire élire député de Paris sous la législative, puis député de l'Aisne sous la Convention. Entraîné dans les turbulences de la politique, il passait pour proche de cœur et d'esprit des Girondins. Or, tout récemment, il s'est éloigné d'eux, sans pour autant se lier aux montagnards dont il redoute la violence. Cher Georges, j'arrive ici bien épuisé. Ce n'est plus de mon âge de parcourir la capitale en quête d'abri. Courir encore et toujours, alors que mes jambes me trahissent et que je n'ai fait d'autre effort dans ma vie qu'écrire et charrier des livres. C'est que l'encyclopédie pèse son poids. Un décret d'arrestation. Tout de même, cette canaille de Chabot a osé me dénoncer à la tribune. Mais qui se cache derrière lui ? Hébert et sa clique d'enragés. Chabot fait assaut de zèle révolutionnaire pour mieux soustraire à la vue de tous ses agiotages et sa protection qu'il menaille au prix fort. N'aie crainte, il en rendra compte le moment venu. Mais serais-je encore là pour le voir ? Tu as senti comme moi l'ambiance poisseuse de terreur, de suspicion et de dénonciation généralisée qui règne partout dans la capitale. Si tu savais quel soin j'ai mis à éviter les comités de surveillance, de la rue de Lille au refuge de Madame Vernet, j'ai rasé les murs, tu peux me croire. Mon pauvre. Pauvre ami, tu n'en serais peut-être pas là aujourd'hui si, comme la canale, tu t'étais réfugié dans la tour d'ivoire des spéculations scientifiques. C'était là demander l'impossible à son ami. En effet, Condorcet est homme à considérer que le progrès ne peut résulter que de la combinaison entre la science et l'action. C'est dans cet esprit qu'il a promu le système métrique, encore en vigueur aujourd'hui, conçu pour que tous aient la même idée des proportions, tant physiques que morales, quand ils communiquent entre eux. Son hostilité envers l'abstraction et la spéculation pure va nourrir son contentieux avec Robespierre. Au fond, le sort de Condorcet s'est peut-être joué 6 mois plus tôt, lorsqu'il a présenté en février 1793 à la Convention nationale son projet de constitution. Ce texte, très ambitieux, proposant la République la plus démocratique que l'on puisse imaginer, a été repoussé par la Convention, où le vent avait tourné en faveur des montagnards. Ces derniers lui opposent un autre projet, rédigé à la hâte par un comité de 5 membres et voté le 24 juin 1793 dans la précipitation. C'est la fameuse constitution de l'an 1. Or, Condorcet s'y oppose ouvertement, de même qu'il proteste publiquement devant les conditions de l'arrestation des députés girondins en pleine convention début juin 1793. Je n'admettrai jamais que l'on puisse ainsi bâcler en 8 jours la rédaction d'un texte qui doit couronner notre révolution. 8 jours. Triste plaisanterie. Dans quel régime vivons-nous ? Pour que la République juste et équilibrée que j'ai patiemment et passionnément échafaudée et proposée me vaille une condamnation à mort par contumace. Il faut que tu sois prudent, Nicolas. Par les temps qui courent, un simple délit d'opinion et c'est la proscription. J'ai fui la tyrannie sous laquelle vous gémissez encore. Quand la Convention n'est pas libre, ses lois n'obligent plus les citoyens. La Convention est peuplée d'esclaves dociles. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et maintenant, je risque de perdre ma tête. Tu vas bien vite en besogne. Après tout, tu n'es pas encore décrété d'accusation, seulement d'arrestation. Georges, tu sais comme moi que l'arrestation entraîne l'accusation comme la nuée porte l'orage, et que l'accusation signifie trop souvent l'exécution. Mais pour l'heure, il y a bien plus important, ma famille. Il importe de la mettre en sûreté, tu m'entends, Georges ? C'est une cible bien trop facile pour ceux qui voudraient en faire une monnaie d'échange et obtenir ma reddition. Chaque chose en son temps. Tu es ici en sûreté, à condition de ne plus du tout t'échauffer sur la politique. Écris donc à Sophie et à ta fille, qui se rongent les sangs à ton sujet. Pendant ce temps, je vais régler avec Madame Vernet les détails matériels de ton séjour. La Les choses sont fort claires à présent que me voici traité comme un enfant. Au fond, ma situation est d'une ironie cruelle. Je n'ai cessé de me battre pour la liberté et la dignité humaine, et me voilà privé de la première et considéré comme un abject paria dans cette France révolutionnaire que j'ai si passionnément soutenue. Mais Georges a raison. Les rodomontades et les moulinets de bras ne m'ont apporté que des désagréments. Alors un peu de sagesse et d'obéissance à présent. Chère Sophie et Elisa, je suis sauf. Soyez bien rassurés sur ce point. Mon asile provisoire se situe dans un quartier parisien des plus calmes, car les nombreux couvents et séminaires installés là sont aujourd'hui désertés. Je loge chez la délicieuse Madame Vernet, dont Cabanis vous fera le portrait de vive voix, avec toute la précision entomologique que peut y apporter un médecin aussi fin observateur que lui. Le récent décret d'arrestation m'a sidéré. C'était grande naïveté de ma part de penser qu'on pouvait toujours dire ce qu'on avait sur le cœur et de croire que ma modération et surtout l'exercice constant de la raison me placeraient à l'abri des menaces. Cette légèreté impardonnable vous fait à présent courir un grand danger. Mais je ne renie pas l'enthousiasme que j'ai eu d'emblée pour la Révolution, ni ses divers projets qui tous devaient concourir à la paix et à la fraternité. Jamais je n'ai été l'instrument ni la dupe de ces basses intrigues, de ces fureurs partisanes qui déchirent en ce moment la République et accablent notre nation. Prenez bien soin de vous, car les complices de Robespierre frappent à la mesure de leur intense passion sectaire. Ils font traquer sans relâche, épier, forcer les demeures et emprisonner sans discernement ni motif qui tienne. Aussi, pour toute question relative à votre sécurité, je ne saurais trop vous prier de vous en remettre à l'excellent Georges Cabanis, ami si dévoué et courageux de votre bien tendre époux et père qui vous embrasse. Mon hôte, l'académicien, a-t-il bien dormi ? Sous votre toit, j'en viendrais presque à oublier que je suis un homme traqué. Le vacarme de la convention et des sections ne vient pas jusqu'ici. Je balance encore entre le besoin de me justifier et le désir de tout oublier. Citoyen Condorcet, si vous essayez de vous entretenir de mathématiques ou de géométrie, je serai votre homme. À présent que je vous ai sous la main, j'entends bien m'instruire de vous. Sous la main, l'expression est heureuse, citoyen. Car je ne me vois pas sortir dans la rue en ces temps de fureur et de dénonciation débridée. Ce sera donc avec plaisir. Toutefois, je ne puis me défaire d'une crainte. Une crainte ? Expliquez-vous, monsieur. Elle est lapidaire et cruelle. Vous compromettre tous. Mais j'en assume le risque. Et puis, qu'est-ce que ces messieurs du comité de sûreté générale pourraient bien reprocher à une vieille femme discrète, retirée, qui ne s'est jamais mêlée de politique ? Dans cette maison règne le silence et le repos qui conviennent aux sages. Du reste, on n'entend même plus les cloches des églises depuis qu'elles ont été interdites. Ce calme servira à mettre la dernière main à mon tableau historique des progrès de l'esprit humain. C'est un essai qui se situe au carrefour des mathématiques, de la philosophie et de la morale. Beau projet, et fameusement intitulé de surcroît. Il n'est qu'à vous voir composé, si concentré et invariablement installé près du feu, pour ne pas douter du succès de l'entreprise. La vue comme la chaleur du feu sont aussi nécessaires à ma concentration qu'aux soins que j'apporte à mes jambes, froides en toute saison. Mais aurais-je le temps d'achever cet ouvrage d'importance ? Le défi n'est pas mince. J'ai toujours considéré qu'une espèce de programme moral, de pétition optimiste manquait pour couronner notre belle encyclopédie. Faute de quoi, c'est vrai. Elle resterait un inventaire des connaissances, certes remarquables, mais bien sec et désincarné. Vous serez en quelque sorte le dernier encyclopédiste. C'est me faire bien trop d'honneur. Je pense inaugurer mon tableau historique avec ce que mon hôtesse appellera espérance chrétienne et qu'on peut tout aussi bien nommer espérance des hommes. Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine sont au nombre de trois. La destruction des inégalités entre les nations, le progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin le perfectionnement réel de l'homme. De fait, Condorcet consacre l'essentiel de son séjour clandestin à son tableau historique, modestement intitulé « Esquisse de tableau historique des progrès de l'esprit humain ». En dehors des séances de travail quotidiennes, les soirées du député en fuite sont généralement consacrées à de douces conversations avec Madame Vernet, en compagnie de Saray ou de Marcose. Elles sont agrémentées par les visites de l'ami Cabanis, et même de Madame de Condorcet. Sophie, née marquise de Grouchy, l'une des femmes les plus belles et les plus intelligentes de son époque. Entre elle et Nicolas, la complicité intellectuelle est totale, et c'est sans doute l'exemple et l'influence de sa femme qui avait amené Condorcet à défendre le principe de l'égalité des sexes. Ma Sophie, te voici joliment déguisée. Mon chemin vers toi est bien plus court maintenant que j'ai mon atelier rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré ? Rassure-moi, es-tu à une distance raisonnable de l'endroit où loge le sinistre Robespierre ? Je passe quelquefois devant par bravade quand je viens te voir. 4 immeubles seulement me séparent de chez lui. Pour voir ton mari, tu te jettes presque dans la gueule du loup. Tu braves les comités révolutionnaires qui sillonnent la capitale. Pas d'inquiétude, mon activité me met à couvert. Qui soupçonnerait ce banal atelier où je peins d'innocentes miniatures ? Cette nouvelle mode de se faire tirer le portrait au moment où les têtes tombent dans la sûre ne laisse pas de m'intriguer. Chère Sophie, où est le temps où nous tenions brillamment salon à l'hôtel des Monnaies ? À présent, tu es obligée de travailler. Je m'en veux. Faut-il te le répéter ? J'ai des bouches à nourrir. En plus de notre Elisa, il y a mon père, détenu à la force, ma sœur, malade à Auteuil, et Manon, notre vieille bonne, qui ne peut plus rien faire mais que je ne peux pas laisser mourir de faim. Mais je ne me plaindrai pas tant que je pourrai te serrer tout contre mon cœur. Femme admirable, qui fait mine d'oublier son proscrit de mari, et à qui elle porte, au péril de sa vie, liberté, linge, nourriture et réconfort. Laisse-moi jouir du bonheur de te rendre à présent un peu de ce que tu m'as donné. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais voulu t'infliger ce sort pénible. Quant au mien... Tu ne figures pas sur la liste des émigrés. C'est à ton absence et non à ta vie qu'on en veut. Je ne tiens plus à la vie que par l'amour et l'amitié. J'ai donné congé à la gloire et son cortège d'Avanie. Mais alors lis, travaille, passionne-toi pour le bonheur. Que faire pour le bonheur des hommes, quand la proscription et la guillotine touchent même les plus sincères des révolutionnaires ? Eh bien, la même chose que celui qui a couvert de son écriture tous les feuillets que je vois amassés sur cette table. Que l'auteur de cette esquisse que j'ai parcourue et qui me semble déjà être un monument. Quand on songe à tout ce que je pourrais vraiment produire pour le progrès général, si j'avais du temps et de la quiétude... Mais contente-toi alors de satisfactions minuscules. Tu ne crois pas si bien dire. Dis à Elisa que son père a écrit à son intention un livre de morale et une méthode de calcul. Le moyen d'apprendre à compter sûrement et avec facilité. Bientôt, l'esquisse arrive à son terme. Mais Condorcet se montre sans cesse plus sombre et craintif face aux catastrophes du dehors apprises dans les journaux. Lorsque Madame Vernet, Saray et Marcose viennent dans sa chambre lui annoncer l'exécution des Girondins le 31 octobre, sa réaction est immédiate. Il refuse de se nourrir pendant toute une semaine. Ce n'est pourtant rien comparé au choc reçu début janvier 1794. Fêtez les rois. Ma foi, la chose est plaisante, presque un an jour pour jour après avoir raccourci le nôtre. Le regrettez-vous, au moins ? Louis XVI fut traître à la nation, c'est chose entendue. Vous avez donc voté sa mort ? Madame, je ne suis pas de ceux qui envoient leurs concitoyens à la guillotine. Même en dépit de crimes contre la patrie, et la fuite interrompue à Varennes en était un. Cette humanité explique sans doute que la faction des enragés veuille vous voir arrêté et promptement exécuté. Les délits d'État exigent-ils la peine capitale ? Je n'en suis pas certain. Et du reste... Veuillez m'excuser d'interrompre votre conversation. J'ai là un pli que vient de déposer un garçon. Sans adresse, bien sûr. Merci, Jean-Baptiste. Voyons. C'est cela. Il y a mes initiales. C'est le code dont je suis convenu avec ma femme. Cela fait 3 semaines qu'elle n'est pas revenue ici. Je suis inquiet d'autant que... Vous pâlissez, Nicolas ? Grand Dieu. Attendez, j'ai des selles dans une fiole pendue à ma ceinture. Ce que Condorcet vient d'apprendre est l'officialisation de la demande de divorce de sa femme. Le couple Condorcet étant marié sous le régime dotal, les biens récemment hérités de sa mère par Sophie ne peuvent lui revenir tant qu'elle a un époux, car sous ce régime juridique, celui-ci a tout pouvoir sur les biens d'Otto. Seule la dissolution du mariage peut permettre à Sophie, si proche du dénuement, de récupérer l'essentiel de la succession. D'où sa demande auprès de la municipalité d'Auteuil arguant d'une séparation de fait depuis plus de 6 mois. Quelle déchéance pour moi. Proscrit, inutile désormais à mon pays, réduit à me livrer à de vaines spéculations. Et maintenant, pour couronner le tout, je dois accepter le divorce pour garantir la subsistance de ma femme et de ma fille. Ne suis-je donc plus rien qu'une branche morte qu'on doit couper ? Voyons, Nicolas, ressaisissez-vous. Le coup est rude, j'en conviens, mais la manière plus maladroite que vraiment cruelle. La femme que je suis est certaine que Sophie vous aime toujours follement. Condorcet est désormais empêché par la procédure de divorce de revoir sa femme. Il n'en recevra pas moins, de janvier à mars 1794, de multiples lettres aussi passionnées que déchirantes écrites par Sophie. Tu es à l'abri, mon amour. Je me jette à tes pieds pour que tu y restes. Il y a impossibilité absolue à ce que tu tombes entre les mains de tes ennemis. Rends-moi le peu de paix qui me reste en jurant de demeurer où tu es. Ne veux-tu donc plus avoir soin de ta vie ? Aie au moins pitié de la mienne et de celle de ta fille. Je t'en conjure en te serrant contre mon cœur. Pendant ce temps, le 23 Ventose, an 2, 13 mars 1794, Saint-Just met la dernière main à son projet de loi sur les factions de l'étranger. L'article 8 dispose que les fugitifs et les absents seront exécutés sans jugement dès leur capture. L'article 11 précise même que quiconque les aura recélés sera puni comme leurs complices des mêmes peines. Dans le cas de Condorcet, cela signifie une mise à mort immédiate s'il est pris et le même sort pour ceux qui l'ont protégé. Ma décision est prise, il me faut partir. Je ne puis ni ne supporterai de vous mettre en danger plus longtemps. Cela, Nicolas, je vous le défends bien. Je suis maîtresse ici, chez moi. La loi change. Et alors ? Il n'y a pas plus de risque que vous soyez découvert. Les visites domiciliaires de la police des sections vont se multiplier de jour comme de nuit. Rendez-vous compte, je suis un hors-la-loi et vous en répondrez. Et où iriez-vous donc de la sorte ? Sans papier, sans passeport ? Non, assurément, cela n'a aucun sens. Et vos jambes, si faibles qu'elles ne vous portent déjà presque plus alors que l'hiver s'éternise, où vous mèneront-elles, sinon à la sinistre prison de la conciergerie ? J'ai des amis autour de Paris. Les soirs à Fontenay-aux-Roses, Gara à Brunois. Je vous défends bien de bouger d'ici. Et pour m'en assurer, voyez. L'étau de la terreur se resserre inexorablement. Je ferme la porte à clé. Et les garde en poche. Condorcet apprend par le journal du lendemain l'arrestation du pauvre Mazuyer, décrété d'accusation comme lui. Le député de la Saône-et-Loire, arrêté sur le pont de Neuilly, est directement mené à l'échafaud. Pour ne rien arranger, la commission du district de Vaugirard prévient Madame Vernet d'une visite imminente de sa demeure par une commission chargée d'y récolter le salpêtre des caves. Le danger est palpable, car dans ce climat de dénonciation, toute découverte incidente du proscrit vaut condamnation à mort de la maisonnée entière. J'en appelle, cher Jean-Baptiste, à notre ancienne confraternité maçonnique. Je ne puis mettre en péril plus longtemps cette bonne vieille femme. Le danger se rapproche. Nous en avons parlé 100 fois, cher frère, et nous en sommes tombés d'accord. Selon toutes les probabilités de la mathématique, ce régime de terreur va s'écrouler. Ceux du comité de sûreté générale et du tribunal révolutionnaire sont en vif désaccord avec le comité de salut public. Regardez la situation. L'infâme Chabot a été arrêté cet automne. Hébert l'enragé ces jours-ci. Tous vont bientôt expier leurs crimes sur l'échafaud. Sans doute. Mais c'est dans les derniers soubresauts de leur folie que la clique des Saint-Just et des Coutons est la plus redoutable. Qu'est-ce que quelques semaines en comparaison des 7 mois passés ici au calme ? Ma résolution est prise. Je partirai demain matin, 25 mars. Si germinal, je veux dire. Je m'élancerai dans tout l'élan de la force germinatoire. J'espère que cet élan lyrique sera couronné de succès. Mais tu devras accepter mon aide. Condorcet confie alors tous ses manuscrits à Jean-Baptiste Sarret. Il prépare un modeste bagage, comprenant une paire de petits ciseaux, un porte-crayon en argent, une chemise, un caleçon, un petit livre des poèmes d'Horace. Il emporte enfin un petit portefeuille destiné à Sophie, contenant des dessins qu'elle avait faits de lui et de leur fille Elisa. Avec la complicité de Sarret, il monte tout un stratagème pour déjouer la vigilance de Madame Vernet. ils se mettent à parler latin, une langue que cette fervente chrétienne ne comprend pas. Jusqu'au jour où... Vous voilà enfin déterminée à ne plus commettre d'imprudence. Je vous ai écoutée et obéi, ma mère, car, n'en doutez point, je vous regarde comme ma seconde maman. Oh, vous me rassurez. Et je vous avoue bien volontiers les raisons de mon insistance à vous garder. J'ai pour vous une affection profonde et maternelle, comme celle que je réservais à ce fils, que le bon Dieu ne m'a jamais donné. Je me sens bien, ma chère maman. Et pour l'heure, je ne crains plus personne, ni les gens du salpêtre, ni la police. D'ailleurs, je fumerai bien un peu de cet excellent Séville que je garde dans ma tabatière pour les grandes occasions. Je monte de ce pas le chercher. Laissez donc. Laissez, Nicolas. Vous êtes bien trop occupé à vos calculs. Je vous rapporte cette tabatière. Vous la trouverez sur ma table de nuit. Elle a laissé la clé sur la table. Sortons vite. Je vais lui causer un tel chagrin. Adieu donc, pauvre chère vieille femme. L'ami Sarret accompagne Condorcet jusqu'à Fontenay-aux-Roses. Le fugitif se rend ensuite chez les Suard, des amis de 30 ans. Mais ils sont absents. Condorcet passe donc sa première nuit à la Belle Étoile, dans un champ de la plaine de Montrouge. Le lendemain, il réussit à voir Monsieur Suard. Hélas, celui-ci ne montre aucun empressement à lui prêter secours, promettant juste de lui laisser libre l'accès à son jardin pour la nuit. Mais lorsque Condorcet revient après le coucher du soleil, des bottes de paille obstruent l'ouverture des portes de ce jardin. L'article 11 de la loi de Saint-Just a produit un effet dissuasif, et tous les citoyens ne possèdent pas le courage de Georges Cabanis ou de Madame Vernet. Le matin suivant, Condorcet peut néanmoins remettre à Suard, outre le petit portefeuille, une lettre destinée à Sophie, qui devait être la dernière. Condorcet, après une seconde nuit à la Belle Étoile, repart vers Clamart. Affamé, il s'arrête dans une auberge et se met à table. Citoyen, j'ai grand faim, que peux-tu me proposer ? Tu sembles venir de loin, tu as l'air exténué. Une omelette suffira-t-elle à te remettre ? C'est tout ce qui me reste. Ah, bien soit, va pour l'omelette. Et combien d'œufs dans une omelette ? Je ne sais pas trop, le plus possible, 12. 12 ? Tu as bien dit 12 œufs, citoyen ? La réponse de Condorcet, lancée sans trop y prendre garde, fait converger sur lui tous les regards des clients présents dans l'auberge. 12 œufs. C'était à n'en pas douter un aristocrate en fuite, ce que confirme bien son accoutrement et l'absence de cocarde tricolore à son chapeau. Condorcet est immédiatement appréhendé et mené à la maison municipale de Clamart, où il déclare « Je m'appelle Pierre Simon, natif de Ribemont, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne. J'ai quitté mon pays depuis 30 ans et j'ai été le serviteur comme valet de chambre de M. Truden, l'intendant des finances. J'ai ensuite travaillé à la collecte du salpêtre à Paris. Je bats la campagne pour trouver de l'emploi, mais j'ai trop présumé de mes forces. Mes jambes ne me portent plus. » Cette version fournie par le suspect ne convainc guère les autorités locales. Un brigadier de gendarmerie escorte alors Condorcet jugé sur un char tiré par des bœufs jusqu'à la prison des environs, sise à Bourg-la-Reine, devenue depuis peu Bourg-Égalité. Là, on lui retire ses petits ciseaux, et il ne garde plus qu'un porte-mine et son recueil d'Horace. C'est sur la page de garde qu'il exprime son immense désarroi intérieur. Quelle idée d'avoir commandé ces 12 œufs ! C'est faire insulte à la misère de ce peuple attablé autour de moi. Pourquoi aussi me nommer Pierre Simon, du nom du mari de la nourrice d'Elisa, et m'être déclaré valet de chambre, puis travailleur dans le salpêtre, ce que dément un simple examen de mes mains soignées? Décidément, je me suis révélé aussi mauvais menteur que j'ai été piètre politicien. Ma jambe me fait tellement souffrir que j'en délire presque. Eh bien, soit. Quand ils reviendront demain, je leur crierai bien fort que je suis Nicolas de Caritas, ci-devant marquis de Condorcet, que je n'ai pas à rougir de tout ce que j'ai fait pour la liberté, la révolution et l'instruction. Heureusement, il me reste la bague à chatons qui contient un peu de ce pain des frères fourni par l'ami Cabanis. Aurais-je le courage d'absorber l'amer poison? Mais pour servir les générations futures, ma défense doit être publique. Alors, vivre? Mais s'ils me traînent comme Mazuyer directement à l'échafaud, à quoi bon rester en vie? Demain, j'aviserai sur tout cela. Le sommeil est trop fort et mes jambes, comme mes forces, m'abandonnent. Le 29 mars 1794, au second jour de détention, le gardien Antoine Chevenu, entrant dans la cellule du suspect au petit matin, trouve Condorcet mort, étendu face contre terre. Du sang caillé s'écoulait de son nez et de sa bouche. Un suicide au cyramonium mêlé d'opium, peut-être. Une attaque, sûrement, comme celle qui l'avait frappé en 1793. Sa dépouille, déposée à la fosse commune de Bourg-la-Reine, ne fut jamais retrouvée, ce qui nourrit encore aujourd'hui toutes les suppositions. Les à-coups brutaux d'une révolution si ardemment souhaitée, mais virant à la tragédie sanglante, ont eu raison du dernier philosophe du XVIIIe siècle, comme l'écrira Michelet. Nicolas de Condorcet aurait cependant été comblé d'apprendre le sort favorable de tous ses proches. Madame Vernet et Jean-Baptiste Sarret mourront sous l'Empire sans avoir été inquiétés. Georges Cabanis laissera une œuvre scientifique et philosophique remarquable à sa mort en 1808. Sophie de Grouchy disparaîtra en 1822, entourée de l'affectueuse estime d'un cercle d'amis et d'intellectuels des plus réputés. Comme leur fille Elisa, elle gardera la plus grande fidélité à la mémoire de feu son ex-mari, faisant publier, dès 1795, la fameuse esquisse qui allait faire de son grand amour, et pour toujours, le dernier encyclopédiste. C'était « Condorcet traqué » de Jean-Paul Desprats et Jean Ruhlmann, avec Vincent Schmitt, Condorcet, Daniel Königsberg, Jean-Baptiste Sarret, Bernadette Le Sachet, Madame Vernet, Alain Fromager, Georges Cabanis, Élodie Hubert, Sophie de Grouchy, Condorcet et Jean-Paul Desprats, l'aubergiste. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Olivier Dupré et Emmanuel Armin, assistant à la réalisation Vivien Demeyer, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, nous poursuivrons cette discussion sur Condorcet avec mon invité Marcel Dorigny. Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. Dans cette matinée, le jardin est brillant. Les arbres sont tordus, ils sont tous ceux que j'ai. Dans cette matinée, les arbres sont tordus. Et leur feuillage est rouge, parlons fou. Bientôt le soir viendra, le jardin sera là. Sans personne dedans, moi je serai couché. Le jardin sera là, moi je serai couché. Et je dormirai sous, je parlons fou. Les années ont passé, je ne sais plus dans quel ordre. Je n'ai pas trop parlé, il y avait tant à dire. Les années ont passé, je n'ai pas trop parlé. Je n'avais pas le goût, je parle en fou. J'ai aimé une femme qui passait par ici, qui portait une robe et qui portait un sac, qui passait par ici et qui portait ce sac. J'ai embrassé sa joue, je parle en fou. Je n'ai eu qu'un pays, quelque part, chacun est dans sa ville. Je n'ai eu qu'un pays, chacun est dans sa ville. Chacun est dans son trou, je parle en fou. Une odeur vient à moi, et je peux en pleurer. Le gasoil dans la pluie qui baise la lumière. Une odeur vient à moi, qui baise la lumière. Où va celui qui bouge, parle en fou. Ça hurle dans la cour. À une guerre, le vent pique mon cou, je parle en fou. Ça hurle dans la cour, le vent pique mon cou. Les enfants ont leur cou, je parle en fou. Bertrand Belin, je parle en fou, dans Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Marcel Dorigny, je rappelle, vous êtes historien, spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez écouté avec nous cette fiction consacrée donc aux derniers mois, à la mort de Condorcet. Cette fin est terrible, c'est difficile à imaginer comment le philosophe, le savant, l'ami de Voltaire et de D'Alembert, qui est un des hommes politiques aussi devenus les plus éminents de la Révolution française, cet homme meurt comme ça, abandonné dans cette prison, sans sa famille. C'est la définition même du proscrit. Il est en fuite, il sait que s'il est arrêté, reconnu, identifié, arrêté, il va être immédiatement exécuté. Donc il se cache, il ne veut pas compromettre Madame Vernet et les quelques amis qui sont venus le voir dans cette petite maison. Et donc il s'enfuit, il quitte Paris clandestinement, déguisé en homme du peuple, comme on dit à l'époque, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Et il va errer comme ça pendant 3 jours, puis finalement, suspect, sans être identifié, il est arrêté, transporté à la prison de Bourg-Égalité. Déjà Bourg-la-Reine, oui. Bourg-Égalité sous la Révolution. Et là, Pierre Simon est mis dans une cellule et on le retrouve mort le lendemain. À votre avis, il est mort, il s'est suicidé ou il est mort de mort naturelle? Il n'y a pas de mort naturelle, un peu provoquée quand même par les circonstances, si elle est naturelle. Mais il n'y a pas de réponse définitive, et il n'y en aura certainement jamais. Condorcet était un athée, il ne croyait absolument en aucune religion, peut-être donc s'est-il suicidé. Un des philosophes des Lumières les plus athées d'ailleurs. Le plus conséquent dans son refus de toutes les religions révélées. Oui. Ce qui n'était pas le cas de Voltaire. Voltaire était partisan d'un déisme qu'il explique très bien, le dieu horloger, etc. Ce qui n'est pas le cas de Condorcet. Mais donc Condorcet avait sur lui toujours du poison. Du cyanure. Du cyanure qui lui avait été remis par Cabanis. Son ami. L'a-t-il utilisé ou est-il mort d'inanition, comme dit le procès-verbal très sec du médecin qui l'a examiné après sa mort le lendemain matin? On ne le saura jamais, puisque comme il est dit dans votre fiction, le corps de Condorcet ne sera jamais retrouvé. Il a été mis dans une fosse et le cimetière depuis a disparu. Quand on a transféré Condorcet au Panthéon en décembre 1989, avec l'abbé Grégoire, avec Monge, eh bien c'est un cercueil vide, c'est un cénotaphe. Hein, c'est un symbole qu'on a mis au Panthéon. Condorcet, physiquement, n'existe pas. Mais pourtant, il a joué un grand rôle dans cette révolution qui dévore ses propres enfants, selon la formule de Büchner, l'écrivain allemand. C'est vraiment ça. Les révolutionnaires qui ont commencé la révolution n'ont pas vu la fin pour la plupart. Ils sont morts, y compris les Montagnards, Comte Robespierre, Saint-Just, Babeuf, etc. sont tous morts. Alors on peut évidemment avoir une vision apocalyptique de cette révolution qui dévore ses enfants, effectivement, qui est carnivore et qui dévore peut-être les meilleurs de ses enfants. C'est peut-être le prototype des révolutions qui viendront par la suite, qui elles aussi ont été particulièrement consommatrices d'hommes. Et pour quelles raisons a-t-il été arrêté, Condorcet? Les vraies raisons sont les raisons politiques. Les raisons de son arrestation sont des raisons politiques, mais son engagement politique est le résultat de son engagement philosophique, de son engagement intellectuel. Alors il est décrété d'arrestation plutôt, parce qu'il a protesté solennellement contre l'arrestation des 22 députés girondins le 2 juin 93. Il fait partie des 75 protestataires qui ont été décrétés d'arrestation, mais lui s'est enfui et d'autres se sont enfuis aussi. Hein. Louvet, par exemple, n'a jamais été retrouvé. Louvet, on le retrouvera sous le territoire, même avant, reprendra la publication de son journal. Donc tous n'ont pas été pris. On a cru longtemps Louvet caché dans le Jura, en fait il était passé en Suisse. Par exemple, hein, Condorcet, lui, n'a pas fui Paris, il est resté dans Paris. Peut-être aurait-il été arrêté sur la route. Alors Condorcet, voilà, il est décrété d'arrestation pour complicité active avec le groupe girondin qui a été mis en arrestation le 2 juin 93. Ces girondins ont été ses proches, il a écrit dans beaucoup de journaux girondins, beaucoup de girondins ont écrit dans les journaux de Condorcet, il y a une osmose entre les deux. Condorcet n'a jamais été un homme de parti, au sens où vous l'entendrez aujourd'hui, mais la question n'a pas de sens pour l'époque. Et Condorcet est un homme assez âgé, finalement, par rapport aux autres révolutionnaires. Il est âgé par rapport à la moyenne du président révolutionnaire. Rappelons tout de même qu'il est né en 43. Hein, ce 1743, qui ont fait, donc 1743, bien sûr. 56 ans. Oui, 56 ans, ce qui est beaucoup pour l'époque. Le personnel politique révolutionnaire est jeune, est très jeune. Robespierre est né en 58. Louis XVI, qui n'est pas un révolutionnaire, mais il est né en 56. Voyez, on a toute cette gamme de gens. Alors Saint-Just, lui, est beaucoup plus jeune encore, puisqu'il a dû tricher sur son âge pour pouvoir être élu à la Convention. Il n'avait pas l'âge, il n'était pas éligible. Bonaparte, qui va être un grand acteur de cette révolution, on le sait, a 20 ans en 89, 30 ans quand il devient premier consul. On a du mal à imaginer. Hein, et 52 ans quand il est mort. Ils sont jeunes et peut-être ignorent-ils aussi le passé glorieux de Condorcet, cette proximité avec Voltaire. Je ne suis pas sûr de l'ignorance, je ne suis pas sûr qu'ils ignoraient. Et ça a été un reproche qu'on a fait à Condorcet dans ces milieux radicaux, entre guillemets, peut-être de la Révolution, d'être un homme issu des Lumières, issu de la haute société. L'aristocratie. Il est aristocrate, il a été directeur général des Monnaies, il a habité donc ce magnifique palais de l'Hôtel des Monnaies à Paris qu'on voit aujourd'hui, qui a Conti, magnifique endroit. On lui a reproché, il y a un texte très célèbre de Robespierre. Robespierre tire à boulet rouge sur Condorcet, qui a été l'ami des philosophes, mais l'ennemi de Rousseau. Les philosophes ont tous été, en quelque sorte, plus ou moins des mondains, plus ou moins des... Vous voyez, bon, sauf Rousseau, qui lui a été proscrit, qui était l'homme du peuple, et Rousseau est l'idole, en quelque sorte, de Robespierre et de la plupart des montagnards. Condorcet, évidemment, c'est le côté Voltaire. J'aimerais aussi que vous nous parliez, Marcel Dorigny, de l'épouse de Condorcet, Sophie de Grouchy, qui est une femme assez remarquable, qui a joué probablement un rôle important dans la sensibilité de Condorcet à la question des femmes. Il a été longtemps célibataire. Le savant, dans ses mathématiques, calcul intégral, calcul de probabilité, etc., économie politique. Il a écrit des textes extrêmement importants à partir de son entrée à l'Académie des sciences. Et puis, il a épousé cette jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, extrêmement brillante, qui va tenir un salon, qui va permettre à Condorcet de rayonner, mais elle aussi, elle rayonne. Hein. N'oublions pas qu'il y a une grande parité entre les deux, peut-être une égalité. Donc, effectivement, Sophie de Grouchy, la marquise de Condorcet, est un élément certainement décisif dans sa trajectoire. Est-ce que c'est elle? Ben, on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Les manuscrits qui sont à la bibliothèque de l'Institut ne permettent pas de le savoir, si c'est elle qui l'a orientée vers la défense de l'égalité pour les droits des femmes, des droits des femmes. Bon, on ne sait pas. Il est probable. Elle était fervente féministe, on dirait aujourd'hui. Et Madame Vernet, vous pouvez m'en parler un petit peu de Madame cette Vernet femme. Était apparentée au peintre célèbre, à la famille Vernet, qui continuera d'ailleurs longtemps après. C'est une dame assez effacée, qui est avant tout humaniste, qui voit dans Condorcet une sorte de symbole de la tolérance, de la recherche de l'égalité, de la liberté. Et elle va le protéger malgré les dangers qu'elle court, et elle ne l'ignore pas. C'est une femme magnifique. C'est une femme, effectivement, c'est une figure héroïque. Et Georges Cabanis, est-ce qu'il avait raison quand il disait, on l'a entendu dans la fiction, quand il disait à Condorcet, vous auriez mieux fait de rester dans votre tour d'ivoire, vous le philosophe, vous le mathématicien, ne pas vous engager en politique, est-ce qu'il n'a pas été un peu imprudent, Condorcet? Oui, mais enfin, il s'est engagé par conviction. Rappelez que Cabanis lui-même avait été un proche de Mirabeau, et qu'il était lui aussi engagé. Rappelez que c'est grâce à Cabanis que nous avons un journal de la mort de Mirabeau tout à fait extraordinaire. Il avait été son médecin. Mais aujourd'hui, Marcel Dorigny, quel est l'héritage de Condorcet? Son héritage philosophique, scientifique? Je pense quand même que l'héritage de Condorcet est immense. Peut-être le plus connu, le plus visible, c'est son grand projet d'instruction publique, qui prévoit la gratuité, la laïcité, de l'école primaire, l'école élémentaire, on disait à l'époque, jusqu'au sommet, jusqu'à l'université. Oui, donc on il est allait très, très... plus loin que Jules Ferry. Ah ben, beaucoup plus loin que Jules Ferry et que les Républicains qui s'arrêteront à 12 ans. 14 ans sous le Front Populaire, donc il faudra beaucoup de temps pour aller plus loin. Donc c'est peut-être ça. Mais également, Condorcet, c'est quand même un des fondateurs de la République. Dès la fuite du roi, même avant bien sûr, mais c'était plus confidentiel, il lance un manifeste pour la République. Une affiche très célèbre, et puis un journal, Le Républicain, on peut difficilement faire plus clair dans le titre. Un journal qui sera très rapidement interdit, après le retour du roi, etc. Condorcet, c'est également, tout de même, c'est pas rien, le combat contre l'esclavage. En 1781, donc très tôt, il publie un ouvrage, qui sera réédité plus tard, de l'esclavage des nègres, avec un texte magnifique, qui s'appelle Épître dédicatoire aux nègres esclaves, qui est magnifique, où il dit d'ailleurs, je sais bien que vous ne lirez jamais ce texte. Bon, alors Condorcet, c'est quand même les grands combats de la Révolution, que la Révolution ne mènera pas tous au bout, puisque l'instruction gratuite, laïque, etc., ne sera pas faite sous la Révolution. Il y aura des projets, il y aura la loi Bouquet, etc., mais il n'y aura pas la mise en place, qui attendra longtemps, la loi Guizot, très tardive, qui est très partielle, et les lois Ferry, sous la Troisième République. Donc, et la citoyenneté des femmes, il faudra attendre très longtemps. La citoyenneté des femmes, il faudra attendre 1944, tout de même. La défense des protestants, la défense des juifs. La défense des protestants qui sera acquise sous la Révolution, puisque très tôt, la Révolution va donner l'égalité des droits aux protestants dès le début de la Révolution, on supprime tout. Pour les juifs, ce sera plus compliqué, puisque c'est seulement en septembre 91 que les juifs obtiennent la citoyenneté. Et c'est beaucoup plus tard, sous l'Empire, en 1807, que les juifs vont être reconnus comme une collectivité. Le fameux Sanhédrin de 1807, qui est un peu l'équivalent de ce qu'est le Concordat pour les catholiques et les protestants. Les juifs deviennent une réalité sociale, en quelque sorte, dans la République, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais l'égalité des juifs, en matière de droit civil et civique, c'est septembre 91. Un des combats de Condorcet que lui avait légué Voltaire. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que Condorcet est reconnu à sa juste valeur, Marcel Dorigny? Ben non, je ne crois pas. Il n'y a même pas un boulevard Condorcet. Non, il y a une rue. Il y a une rue Condorcet. Il y a une rue Condorcet dans le 9e arrondissement qui conduit au lycée Condorcet. Un très beau lycée de Paris d'ailleurs. Très beau dans son architecture et son mobilier histoire. Intérieur. C'est très très beau. Mais alors, c'est vrai qu'il y a des établissements scolaires qui portent le nom Condorcet de ci, de là. Mais il n'y a pas une grande place. Il y a un grand boulevard Voltaire. Bon, c'est légitime. Il y a un boulevard Diderot, etc. Il n'y a pas l'équivalent pour Condorcet. Il y a une rue, hein. C'est une rue. Et puis, il y a un métro Robespierre à Montreuil. Il n'y a pas de métro Condorcet. Il y a un métro Mirabeau dans le 16e arrondissement, près du pont Mirabeau, célébré par Apollinaire plus de 100 ans après. Non, il n'y a pas de métro Condorcet. Mais il va y avoir, il faut le dire quand même, hein, le grand campus universitaire qui est en cours d'édification entre la porte d'Aubervilliers et Aubervilliers, un très grand campus qui va réunir les grandes universités françaises, s'appelle d'ores et déjà maintenant Campus Condorcet. Ah bon, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci beaucoup Marcel Dorigny de nous avoir rappelé donc l'histoire de Condorcet. Je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 8 Saint-Denis, rédacteur en chef de la revue 18e siècle, et vous êtes l'auteur notamment, entre autres, de l'Atlas des esclavages de l'Antiquité à nos jours aux éditions Autrement. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo, bien sûr, pour l'Afrique en solo. La semaine prochaine, je vous proposerai une nouvelle fiction consacrée à un autre homme passionné et passionnant, confronté à l'histoire, lui aussi, un artiste cette fois, Sandro Botticelli, le peintre florentin, l'auteur, bien sûr, de La naissance de Vénus et du printemps, des peintures mondialement connues et à l'époque de leur création d'une grande force subversive, notamment parce qu'elle représentait des corps nus. Je vous raconterai le drame intime que Botticelli a vécu lorsqu'à la fin du XVe siècle, sa ville, Florence, capitale de l'art et de l'humanisme, est tombée sous le pouvoir d'un moine fanatique, un certain Savonarole, pourchassant les artistes, les femmes impures et les homosexuels. Botticelli monte au bûcher, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire, à 21h. Très bonne soirée à tous.